atomique. D-U-S-T-I-G-E. C'est ma life, frérot. Je vis le jour un 16 octobre 1988 dans la clinique du Diaconat à Mulhouse, 68. Père sicilien, mère française. Je suis fier de mes origines, j'aime mes racines. Faut que les racistes, on va vous mettre au régime. Parcours plingué, je m'en bats les couilles. J'aime vous compter mon vestige. J'ai grandi à Wittenheim, du berceau à 14 piges. De classe moyenne sont les fans de moi. Ici l'or veut pas éclore. Ma résidence d'HLM, voûte sur bitume, c'est mon décor. Le monde est gore, hardcore. Mais je ne sais pas encore. Je ne rêve que du Parc des Princes et d'embrasser mon disque d'or. Dans ma tête, chaque strass et paillettes, tant je m'endors. Faut que l'école, j'étais que premier. En musique et en sport, gosse turbulent, déambulant sur les sentiers de la perdition. Les conneries, mon addiction, je suis l'exemple dans l'imperfection. Mais dans ma tête, y'a rien de grave. Pour moi, la vie est un jeu qui finit par tourner mal quand un mec meurt sous tes yeux. C'est mon vestige, c'est ma life que je vous compte à chaque mesure. Je n'ai rien oublié de mon passé, mais je me tourne vers le futur. J'ai su encaisser les coups durs, mis au propre toutes mes ratures. Vu qu'y'a que maintenant que j'ai compris que toutes ces rimes sont mes blessures. C'est mon vestige, c'est ma life que je vous compte à chaque mesure. Je n'ai rien oublié de mon passé, mais je me tourne vers le futur. J'ai su encaisser les coups durs, mis au propre toutes mes ratures. Vu qu'y'a que maintenant que j'ai compris que toutes ces rimes sont mes blessures. Un 997, seconde naissance, nouvelle venue dans la famille. Donc si qui touche à ma petite sœur aura la même chose fois mille. Je me dois d'être là pour elle, les jours où ça n'ira pas. C'est une colombe, une hirondelle que je me dois de guider pas à pas. Enfant distrait, loin d'être discret, mais je suis jamais allé trop loin. Car j'ai toujours pissé dans le froc quand le daron levait la main. J'ai du respect pour mes parents, ce sont eux mes seuls repères. Je me suis construit de leur amour, pas besoin de Pascal le grand frère. À 13 ans j'ai peur de rien, je suis ravi, vu ni connu. En 2001 au décathlon, j'étais lors des marques inconnues. Y'a trop d'images qui me reviennent. C'était l'époque des premiers phones tels Nick iPhone, moi c'est old school. J'avais un entrée de gamme Alcatel. Y'en avait des beaux moments dans la street avec mes sauces. À des années, des peines de cœur et des problèmes de pesos. Souvenir à jamais gravé, forcément je suis nostalgique. Donc j'en place une au Jérémy, à William et à Cédric. C'est mon vestige, c'est ma life que je vous compte à chaque mesure. Je n'ai rien oublié de mon passé, mais je me tourne vers le futur. J'ai su encaisser les coups durs, mis au propre toutes mes ratures. Vu qu'y'a que maintenant que j'ai compris que toutes ces rimes sont mes blessures. C'est mon vestige, c'est ma life que je vous compte à chaque mesure. Je n'ai rien oublié de mon passé, mais je me tourne vers le futur. J'ai su encaisser les coups durs, mais au propre toutes mes ratures. Vu qu'y'a que maintenant que j'ai compris que toutes ces rimes sont mes blessures. 2002, je déménage à Spaclé, c'est mon village. Y'a pas le permis, ni bus, ni train. Je me croyais au Moyen-Âge, l'ennui à son extrême. Crois-moi dans ce bled, y'a rien à foutre. Je me réfugie dans la musique, la PlayStation et le foot. Je deviens fan de rap Quinry, Eminem, Dre 50. Et un soir après 8 Mile, j'ai pris mon stylo, puis j'écris les premières faces, les égoleries. Le niveau était laborieux, puis j'en voulais à mes potos de ne pas me prendre au sérieux. À l'école, je tourne mal, je me tape des barres et viens glander. Du coup, les profs, mon classé comme talent inexploité, la suite logique viendra plus tard. Je suis en plein échec scolaire, je suis la honte de mon père et j'en ai fait pleurer ma mère. Ni bon cœur, ce n'est pas la joie, j'attends que Cupidon vienne m'aider. Et le daron me pose des questions, fiston, est-ce que t'es pédé? J'ai 16 ans, l'amour est mort, calciné dans une poubelle. Dans mes moments de solitude, y'avait Jackie et Michel. C'est mon vestige, c'est ma life que je vous compte à chaque mesure. Je n'ai rien oublié de mon passé, mais je me tourne vers le futur. J'ai su encaisser les coups durs, mis au propre toutes mes ratures. Vu qu'y'a que maintenant que j'ai compris que toutes ces rimes sont mes blessures. C'est mon vestige, c'est ma life que je vous compte à chaque mesure. Je n'ai rien oublié de mon passé, mais je me tourne vers le futur. J'ai su encaisser les coups durs, mais au propre toutes mes ratures. Vu qu'y'a que maintenant que j'ai compris que toutes ces rimes sont mes blessures. Depuis février 2006, le cancer me ronge à vie. Ne nous quitte, rejoins les anges, emportés par la maladie. Trop dur et tête te rendre hommage, mais je l'ai fait dans mon maxi. Loin du rivage, premier classique, on se retrouvera au paradis. J'ai vu que la mort était cruelle, donc mes mots sont réels. La tristesse n'a pas de cœur, elle en a percé mes prunelles. Ça fait trop longtemps que je prie plus, car le ciel m'a pris des proches. On m'a dit que Dieu était seul juge, c'est bien ça que je lui reproche. Frérot, ces coups durs font que j'avance, mais je sais plus vers où. Je ne bois pas, je ne fume pas, malgré tout j'ai la vision floue. Un parcours semé d'embûches, j'ai quand même eu quelques diplômes. Mon chez moi, une femme qui m'aime, me reste plus que mes rêves de môme. Ça fait longtemps que je me bute au son et que j'écris pour exister. Même si le rap n'est qu'une passion, je n'ai plus la force de persister. Aujourd'hui c'est millésime, l'avenir dira s'il y aura une suite. Retiens mon place atomique, ça vient de Mulhouse 68. C'est mon vestige, c'est ma life que je vous compte à chaque mesure. Je n'ai rien oublié de mon passé, mais je me tourne vers le futur. J'ai su encaisser les coups durs, mis au propre toutes mes ratures. Vu qu'y'a que maintenant que j'ai compris que toutes ces rimes sont mes blessures. C'est mon vestige, c'est ma life que je vous compte à chaque mesure. Je n'ai rien oublié de mon passé, mais je me tourne vers le futur. J'ai su encaisser les coups durs, mis au propre toutes mes ratures. Vu qu'y'a que maintenant que j'ai compris que toutes ces rimes sont mes blessures.